Ta peau hydratée, ta gaine coquette, tes barres maillées, ton rouge onctueux, ton teint de jeune fille, ta perruque postiche. Les yeux fermés, j'achète. Les yeux fermés, j'achète tout. Les yeux fermés, j'achète tout. Ton peigne soufflant, ton coton fraîcheur, ton shampoing traitant, ton pull lumière, ta fibre synthétique, ton maquillage actif, les yeux fermés, j'achète. Les yeux fermés. Ton hydromassage, ta laque satinée, ton bustier réglable, ton déodorant corporel, ton visage transluminant, les yeux fermés, j'achète. Les yeux fermés, j'achète tout. Les yeux fermés, j'achète tout. Qui respire ton haleine fraîche, ton sauna portatif, ta liberté chérie, ton slip haute fidélité, ton liquide ammoniaqué, les yeux fermés, j'achète. Les yeux fermés.